à gagner est triste. Je vais les laisser faire, je suis fair play. Je les laisse courir après les biches. J'ai les deux pieds sur le terre-terre. Yama, t'inquiète pas pour ton fils. Moi, j'ai peur de personne. Ils veulent pas m'ouvrir la porte du rap. Je mets la paire à la personne. J'ai fait les 400 coups avec Rani. Dans la ville, mon nom de famille est cramé. Les conditions sont simples, tu casses, tu payes. Sinon, on t'allume ta grand-mère. Marié à la rue, je vais pas divorcer. 5 étoiles, j'ai vu un hélicoptère. J'ai jamais dit que j'en étais un. Mais je côtoie des gangsters. Marseille, la cité, AM, il le sait. 77 criminels à éviter. Y'a dans nos quartiers, y'a beaucoup de sociétés. Je comprends pas pourquoi les gars font qu'enquêter. Don't see where they're bleeding. On n'écoute pas les fondis. All eyes on me. J'suis arrivé tout en fait. J'ai pris des baisers. J'ai pris ma tenue, mon CZ. Ma gueule, on prépare ton PC. Y'a des échos sur mon portable. Wallah l'radim que j'veux serrer. Dans mon secteur, y'a que des fêlés. 13 kilogrammes sous scellés. Ils veulent pas nous ouvrir la porte. Quand je suis passé par la fenêtre. Y'a des échos sur mon portable. C'est devenu banal. Les sirènes, les civils, les banales. Des tailles et des pavés sans pavés, c'est bavant. À midi et demi, j'ai la banane. Elle veut rentrer dans mon cœur, madame. T'as vu cette génération fada. La pure qui me plaira, crois-moi qu'elle est panée. Tu parles, Wallah, tu fais pas mal. J'suis devenu aigri comme le padré. Respecte les délais, mon petit, c'est pas drôle. On laisse pas de cadavre à ta madré. On laisse un message à ton patron. Plusieurs manières de le faire. Parlons-en par le ciel, par le sang, par le fer. Et j'suis parent en fait quand je pense à l'enfer. Quand je repense au fait, impossible de le fuir. Augmente le potentiel de criminels. Vider la villa et filer en 10 minutes. Augmente les ténèbres et depuis mineurs. Le peu de lumière je la diminue. Je dois être malhonnête pour les dominer. Plus de monnaie ouais, effet domino. J'ai mon shit et mes clopes et mon opinel. J'ai mon cerveau mais il y a mes opinions. Wallah l'adem c'est des baisers. J'ai pris ma tenue dans CZ. Ma gueule on prépare ton baiser. Y'a des échos sur mon portable. Wallah l'adem que je vais serrer. Dans mon secteur y'a que des fêlés. 13 kilogrammes sous scellés. Ils veulent pas nous ouvrir la porte. Pas quand je suis passé par la